nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Il prévenait en français, mais avec son merveilleux accent anglais de metteur en scène devenu américain, mais qui avait aussi conservé la nationalité anglaise, personne n'entrera après le début du film, pas même la reine d'Angleterre. Et surtout, ne révélez pas la fin de Psycho. Nous n'en avons pas d'autre à vous proposer. Quelle idée sadique! Cela serait de dévoiler la fin de Psycho à des jeunes gens n'ayant encore jamais vu ce terrible film. Alfred Hitchcock lui-même ne l'aurait pas fait. Cela eût été le comble du paradoxe. Il voulait bien séduire le public en le terrifiant, fabriquer des rêves cauchemars dans lesquels ses personnages et les spectateurs allaient plonger, mais être mauvais au point de raconter la fin de ses films, non. Mardi du cinéma, Un printemps pour Hitchcock par Laurence Drumont, réalisation Claude Giovanetti, première diffusion sur France Culture, le 26 février 1985. I think the most wasted energy is hate, because it doesn't produce anything at all. Il pense que l'énergie qu'on déploie d'une façon la plus inutile est la haine, parce qu'au fond, ça n'a aucun résultat tangible. Oui, alors je me disais que si Hitchcock nous voyait, Jean Doucher réunis, et puis s'il voyait ce magnétophone qui est prêt à tourner, qui commence à tourner, est-ce que vous pensez qu'il aurait peur? Oh, je crois pas. Je crois que il n'avait pas peur du tout de ce qu'on pouvait dire de lui, pourvu qu'on en parle. Au contraire, non. C'était quelqu'un qui avait parfaitement compris l'importance à notre époque de tous les médias, et en particulier donc médias radio, médias télévision et médias cinéma, et médias presse tout simplement, et qui en jouait admirablement, qui ne donnait qu'une face de lui. Celle de l'amuseur public, celle du monsieur pas sérieux, etc. Parce que au début, c'est comme ça qu'on voulait le voir. Et ensuite, qu'il trouve surtout travailler la publicité sur un autre mode beaucoup plus intéressant. Il fallait que les spectateurs connaissent les noms d'Hitchcock pour qu'ils associent ce nom à l'idée du suspense. Donc l'idée d'un certain film à frisson, et qu'en conséquence, ce spectateur soit déjà prêt, quand il rentre dans la salle pour voir un film d'Hitchcock, à accepter et même à souhaiter la peur. Donc dans ce sens, disons qu'il serait ravi de nous voir décortiquer tout son système. Oui, il serait peut-être réjoui de savoir que les questions peuvent se bousculer dans ma tête et que c'est moi qui ai peur, plutôt que... Two men were riding in a train from London to Scotland. Deux hommes étaient dans le train qui allait de Londres en Écosse. And one man sitting opposite in the, you know, the compartment said to the other man, "What is that package above your head?" Alors, un des voyageurs demande à celui qui est assis en face de lui, mais qu'est-ce que vous avez dans ce paquet qui est sur le filet au-dessus de votre tête? And the other man, "Oh," he said, "that's a MacGuffin." Et l'autre lève la tête et dit, "Oh, c'est un MacGuffin." So the first man said, "Well, what is a MacGuffin?" Alors, le premier demande, mais qu'est-ce que c'est qu'un MacGuffin? So he said, "Well, it's an apparatus." Apparatus. Yeah, c'est un appareil. For trapping lions. Pour attraper les lions au piège. In the Scottish Highlands. Dans les hautes terres d'Écosse. So the first man said, "But there are no lions in the Scottish Highlands." Mais l'autre lui dit, mais il n'y a pas de lions dans les Highlands écossais. So the other man said, "Well, then that's no MacGuffin." Alors, bon, ben dans ce cas, c'est pas un MacGuffin du tout. On a le sentiment que c'est quelqu'un qui a en tout cas certainement réussi donc sa propre énigme. Oui, c'est exact. C'est quelqu'un qui a mis sa propre énigme en chiffres, c'est-à-dire en forme, et qui n'a en fait poursuivi que des formes de plus en plus énigmatiques pour déchiffrer sa propre énigme. C'est très intéressant d'ailleurs de voir à quel point c'est quelqu'un qui est au fond tellement lisse que tout se traduit par un système de formes qui laisse la place à toutes les interprétations possibles, donc une richesse d'interprétation fantastique qui à ce moment-là donne la richesse et la complexité. Mais tout son travail à lui était au contraire d'aplanir toute aspérité. Un 13 août, date anniversaire de Hitchcock, nous sommes arrivés à Hollywood. Tous les matins, Hitchcock passait nous chercher au Beverly Hills Hotel et nous emmenait à son bureau au studio Universal. Chacun de nous équipé d'un micro-cravate et dans la pièce voisine un ingénieur du son enregistrant nos paroles, nous soutenions chaque jour une conversation ininterrompue de 9h du matin à 6h de l'après-midi. Ce marathon verbal se poursuivait autour de la table, même pendant les repas que nous prenions sur place. D'abord, Alfred Hitchcock, au meilleur de sa forme, comme toujours dans les interviews, se montra anecdotique et amusant. Mais dès le troisième jour, il se révéla plus grave, sincère et réellement autocritique. Tout en racontant minutieusement sa carrière, ses coups de chance et de malchance, ses difficultés, ses recherches, ses doutes, ses espoirs et ses efforts. François Truffaut, le cinéma selon Hitchcock. Progressivement, j'ai remarqué le contraste entre l'homme public, sûr de lui-même, volontiers cynique, et ce qui me semble être sa vraie nature, un homme vulnérable, sensible et émotif, ressentant profondément physiquement les sensations qu'il souhaite communiquer à son public. Dans les entretiens qu'il a eus avec François Truffaut, justement, il dit qu'il est important de simplifier pour que l'émotion soit exactement. Très simplement ressentie. Simplifier, épurer, abstraire. C'est absolument. Ça a été le sens profond de sa démarche. C'est pour ça d'ailleurs que ça reste totalement énigmatique, parce que justement. C'est-à-dire que c'est le comble de la perversité, en fait. Oui. C'est qu'au lieu de descendre dans les profondeurs, c'est d'obliger les profondeurs à remonter à la surface et de paraître comme lisse. Évidemment, c'est terrifiant. François Truffaut. J'étais frappé, je crois, chaque fois que je lisais une interview d'Hitchcock, j'étais frappé par son souci de ne rien dire d'important, de se tenir dans les limites de la plaisanterie, de faire des blagues. Et puis, j'étais frappé par ce contraste d'un homme qui donnait une image publique de lui si opposée à ses films que je trouvais graves, admirables et pleins d'une science du cinéma. Et j'étais persuadé qu'on pouvait arriver à le convaincre de parler sérieusement du cinéma. Mais alors, quel était le point de départ de Truffaut ? Le point de départ de Truffaut était, au fond, le point de départ qu'il a toujours eu. C'est-à-dire, comment il fait ? C'est Hitchcock, ce qui l'intéressait, c'était le secret du fabricant. Oui. Bon, ce qui est fort intéressant, c'est, à mon avis, de lire le livre au premier degré, ce qui me semble tout à fait la première des choses. Mais de voir que, aussi bien dans les questions de François que dans les questions d'Hitchcock, dans la réponse d'Hitchcock, il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de choses qui sont sous-entendues, et il y a des façons aussi de relire les réponses d'Hitchcock qui sont passionnantes, parce que, en fait, il avoue énormément, tout en ayant l'air de rien vouloir avouer. C'est un livre de ce point de vue très... En tout cas, pour toute personne qui veut travailler Hitchcock, ça reste, bon, bah, tout le monde le sait, ça reste un peu la Bible. Cet homme qui, mieux que tout autre, a filmé la peur, est lui-même un craintif. Et je suppose que sa réussite est liée à ce trait de caractère. Tout au long de sa carrière, Alfred Hitchcock a éprouvé le besoin de se protéger des acteurs, des producteurs, des techniciens, puisque les moindres défaillances ou les moindres caprices de l'un d'eux peuvent compromettre l'intégrité d'un film. Bon, c'est parfaitement... Non, c'est un travail de metteur en scène à metteur en scène, de scénariste à scénariste et de cinéphile passionné à un auteur très très admiré. Pour lui, le meilleur moyen pour se protéger était de devenir le metteur en scène par qui toutes les stars rêvent d'être dirigées, devenir son propre producteur, en apprendre plus long sur la technique que les techniciens eux-mêmes. Il lui restait encore à se protéger du public. Et pour cela, Hitchcock a entrepris de le séduire en le terrifiant, en lui faisant retrouver toutes les émotions fortes de l'enfance, lorsqu'on joue à cache-cache derrière les meubles de la maison tranquille, lorsqu'on va être pris à Colin Maillard, lorsque le soir, dans son lit, un jouet oublié sur un meuble devient une forme mystérieuse et inquiétante. La voix que vous entendez est celle d'Alfred Hitchcock et elle vous présente ses excuses. Je vous en prie, pardonnez-moi de retarder le moment où vous serez installé dans la salle, le dos bien calé dans votre fauteuil. Mais en vérité, vous gâcheriez votre plaisir si vous assistiez à la projection de psychose à partir du milieu ou vers la fin du film. En deux mots, voyez psychose dès son début. Nous ne voulons pas que vous vous priviez vous-même du plaisir qui vous est dû. Tous les directeurs de salle dans le monde entier ont reçu l'ordre de ne laisser entrer personne lorsque psychose est commencée. J'ai bien dit, personne, même pas la belle-mère de l'opérateur, ni même la reine d'Angleterre. Que Dieu la bénisse. En frissonnant, je reste votre Alfred Hitchcock. Quelles ont été ses réactions par rapport aux journalistes ? Comment s'est-il protégé d'eux ? Justement, c'est ce que je vous ai dit au début. Ouais. C'est-à-dire qu'il jouait le clown. C'est ça. Il avait compris que, de toute façon, l'essentiel pour lui était de faire son œuvre. Bon, je pense qu'au secret de lui-même, au fin fond de lui-même, il disait quand même un jour, on va bien s'apercevoir que je fais quelque chose. Mais en attendant, puisqu'ils veulent ça de moi, faisons le clown, faisons l'imbécile, faisons les rires, et jouons le grand amuseur que personne ne prend en sérieux. Et c'est, enfin, quand on revoit ce qui s'est passé quand Truffaut et Chabrol, Chabrol lui a posé cette fameuse question à cette conférence de presse, quel est le motif de votre tapisserie ? Tout le monde avait ricané tellement c'était stupide comme question, évidemment. La première chose qu'ils avaient faite, c'était donc demander une interview immédiatement. Je vous donne rendez-vous demain à telle heure. C'est-à-dire qu'il y a aussi un moment où l'amuseur laissait tomber le masque et disait, bon, maintenant ça suffit, je suis quand même un peu plus sérieux et parlons des choses sérieuses. Si quelqu'un voit ce qu'il y a de sérieux, bon, bah, laissez-le parler. Ça, je crois que ce qu'ils leur reprochaient le plus souvent aux journalistes, c'est de manquer d'imagination, d'être des êtres... Des êtres de copie conforme. C'est ça. De tout. D'ailleurs, il y a un passage assez humoristique dans les entretiens qu'il a avec François Truffaut, où il attaque les journalistes et tout d'un coup, avec beaucoup de douceur, lui dit « Mais au fait, que faisiez-vous la première fois que je vous ai rencontré ?» Et effectivement, Truffaut, à cette époque-là, mais était critique de journaliste. Mais justement, mais en même temps, je raconte exactement comment c'est passé. C'est-à-dire que brutalement, lorsqu'il s'est rendu compte qu'enfin, ces gens qu'il attendait étaient là, en plus, c'était des jeunes. Oui. C'est très important. Il y avait quand même, à l'époque, quand Truffaut va... Truffaut et Chabrol, bon, c'est en 54, 50, je crois que c'est 55. Et je crois qu'il y a déjà 55, il y a déjà 57 ans. Oui. C'est-à-dire qu'à 57 ans, c'est un monsieur dont personne encore n'a pris l'œuvre au sérieux. Quand même, quand on a déjà. Et l'œuvre déjà en 53, 54, ça contient déjà quelques grands chefs-d'œuvre. Hein. Tout à fait. 1925. The Pleasure Garden, 1926, The Mountain Eagle, 1926, The Lodger, 1927, Downhill, Easy Virtue, Le Passé Ne Meurt Pas, The Ring, Le Masque de Cuir, 1929, Blackmail, Chantage, premier film parlant d'Alfred Hitchcock, 1930, Elstree Calling, Juno and the Peacock, Murder, Meurtre, 1931, The Skin Game, 1934, The Man Who Knew Too Much, L'Homme qui en savait trop, 1935, The 39 Steps, Les 39 Marches, 1936, Secret Agent, 4 de l'espionnage, 1939, Départ d'Hitchcock pour Hollywood, 1940, Rebecca. 1940, Foreign Correspondent, Correspondant 17. 1941, Mr. and Mrs. Smith. 1945, Spellbound, La Maison du Docteur Edwards. 1946, Notorious, Les Enchaînés. 1947, The Paradin Case, Le Procès Paradin. 1948, Rope, La Corde. 1952, I Confess, La Loi du Silence, avec Montgomery Clift dans le rôle d'un curé. 1954, Dial M for Murder, Le Crime était presque parfait. 1954, Rear Window, Fenêtre sur cour. C'est vrai, quand on a fait quand même Fenêtre sur cour, être encore accueilli comme il est accueilli, on a quand même des doutes. Quand on a fait L'Ombre d'un doute, Notorious, bon, La Corde, etc., il y avait de quoi être un peu désespéré. 1955, To Catch a Thief, La Main en collet. 1956, The Trouble with Harry, Mais qui a tué Harry ? 1956, The Man Who Knew Too Much, deuxième version, L'Homme qui en savait trop. Il a fait après combien de films ? Oh, Il a fait encore une grande dizaine, dont tous les chefs-d'œuvre, hein. Ouais. Les plus grands chefs-d'œuvre. Donc, c'est-à-dire que l'œuvre enfin allait éclater totalement. Totalement dans le sens qu'à ce moment-là, quand même, les autres ont été obligés de se taire et de reconnaître. 1957, The Wrong Man, Le Faux Coupable. 1958, Vertigo, Sueur Froide. 1959, North by Northwest, La mort aux trousses. 1960, Psycho, Psychose. C'est vrai que quand il commence Vertigo, La mort aux trousses, Psycho, Les oiseaux et Marnie, quand on pense à la série des cinq, c'est quand même cinquième chef-d'œuvre. Hein. 1963, The Birds, Les oiseaux. 1964, Marnie, Pas de printemps pour Marnie. 1966, Torn Curtain, Le rideau déchiré. 1969, Topaz, L'étau. 1972, Frenzy. Et en 1976, le dernier film d'Alfred Hitchcock, Family Plot, Complot de famille. You see, my approach to the film is what it originally was. The newest art of the 20th century. Sa conception du film à lui et la manière dont, dont il le réalise, c'est vraiment en tant que l'art le plus neuf du 20e siècle. And one of its great abilities was to reach people all over the world on the same night. Et l'un des grands avantages du cinéma, c'est de pouvoir atteindre les gens du monde entier la même nuit. Il réalise ses films pour le plus grand public. Yes, then after I have commenced to design a film for the widest possible audience, the next step is the artistic one. Oui, après avoir conçu un film qui peut plaire à tous les publics du monde, ensuite il s'occupe du côté artistique. In other words, if I may put it another way, the craft comes before the art. À son avis, la partie artisanale vient avant la partie artistique. Tourner des films, pour moi, cela veut dire d'abord et avant tout raconter une histoire. Cette histoire peut être invraisemblable, mais elle ne doit jamais être banale. Il est préférable qu'elle soit dramatique et humaine. Le drame, c'est une vie dont on a éliminé les moments ennuyeux. Ensuite, la technique entre en jeu, et là, je suis ennemie de la virtuosité. Justement, la virtuosité, c'est un reproche finalement qui a été fait, souvent je crois, à Alfred Hitchcock, qu'on lui a reproché d'être un trop grand technicien et un technicien froid, d'avoir tellement insisté sur la qualité technique des prises, sur le détail des scènes, que l'histoire était un peu réduite à peau de chagrin et les personnages souvent inintéressants. Oui, c'est un reproche qui a été fait, mais c'est un reproche valable si on voit l'œuvre en effet que uniquement sous cet angle, si on ne voit pas la raison de cette virtuosité, c'est-à-dire la nécessité que tout doit passer par la forme et que cette forme soit la plus lisse possible et en même temps la plus lisible possible, qu'elle fonctionne totalement et qu'elle soit porteuse à elle toute seule de toute la dramaturgie et donc de ce que contient cette dramaturgie, les rapports humains, le jeu de complicité entre le spectateur et ce qui se passe sur l'écran, bref, c'est en elle que réside tout, non seulement le sens, bien sûr, mais alors vraiment tout l'essence de l'œuvre, mais la consistance même de l'œuvre. C'est bien pour ça qu'il y a eu une telle incompréhension d'Hitchcock. Parce qu'en effet, tout était dans le brillant. Oui. Mais en même temps, c'est parce que c'est brillant que c'est admirable. Alors que ça pourrait être en effet qu'agaçant. Enfin, Dieu sait si la pure virtuosité, c'est la pire chose. Or, chez Hitchcock, on s'aperçoit que cette virtuosité n'est jamais gratuite. Elle est tout le temps l'effet exact de ce qu'il veut rendre et de ce qu'il veut provoquer. C'est ça. De toute façon, il dit d'ailleurs un petit peu plus loin dans ce texte que il veut que sa caméra serve toujours l'action. Voilà, que la caméra serve toujours l'action. Et chez lui, l'action, c'est véritablement tout le drame ou tous les drames qu'il veut restituer sur l'écran. Alfred Hitchcock. Le classement des images sur l'écran en vue d'exprimer quelque chose ne doit jamais être entravé par quelque chose de factuel. À aucun moment. La technique cinématographique permet d'obtenir tout ce que l'on désire, de réaliser toutes les images que l'on a prévues. Alors il n'y a aucune raison de renoncer ou de s'installer dans le compromis entre l'image prévue et l'image obtenue. Si tous les films ne sont pas rigoureux, c'est qu'il y a dans notre industrie trop de gens qui ne comprennent rien à l'imagerie. François Truffaut. Le terme imagerie convient très bien à cette discussion. Disons que le travail du metteur en scène qui veut donner un sentiment de violence n'est pas de filmer de la violence, mais de filmer n'importe quoi pourvu que cela donne une impression de violence. Je pense comme exemple à une des premières scènes de North by Northwest, quand les méchants dans un salon commencent à malmener Cary Grant. Si on regarde la scène au ralenti sur le petit écran de la table de montage, on voit très bien que les méchants ne font rien du tout à Cary Grant. Mais pourtant, sur l'écran de la salle de cinéma, la succession des petits cadres serrés et des petits déplacements d'appareil donne une impression de brutalité et de violence. Alfred Hitchcock. Il y a un exemple encore plus évident que celui-là dans Rear Window, quand l'homme entre dans la chambre pour précipiter James Stewart par la fenêtre. D'abord, j'avais filmé la chose complète, en entier, de façon réaliste. C'était faible. Cela ne donnait rien. Alors j'ai tourné le gros plan d'une main qui s'agite, gros plan de la figure de Stewart, gros plan sur ses jambes, gros plan de l'assassin, et ensuite j'ai rythmé tout cela. L'impression finale a été correcte. Est-ce que vous croyez aux vedettes? Only in certain stories. If I'm doing a film like Moral Truth, Cary Grant. Yes. I think the story is helped by Cary Grant being a familiar figure. Oui, il dit qu'il ne croit aux vedettes que dans certains cas et pour certaines histoires. Par exemple, en ce qui concerne la mort aux trousses, il pense que le fait que ce soit Cary Grant qui jouait le principal rôle était très important parce que son visage est un visage connu par le monde entier. Because the audience will worry more. Parce qu'alors, dans ce cas-là, le public se fait davantage de soucis quand il connaît l'acteur. It is like a street accident. C'est comme un accident de rue. You look and there's a lying figure of a man. Vous regardez, vous waiting voyez. For the ambulance. Vous regardez, vous voyez un corps qui gît dans la rue et on attend l'ambulance. You look once, you say poor man. Vous regardez. And you go on your way. Vous regardez une fois, vous dites oh pauvre homme, puis on vous But partez. If you take a second look. Et si vous regardez une fois de plus, avec beaucoup plus and d'attention, brother, et que c'est votre frère, think of the switch in emotion. Alors pensez à ce moment-là à l'émotion qui vous étreint. Si vous vous trouvez tout près d'un train qui arrive sur vous, vous êtes éprouvé, n'est-ce pas? L'émotion vous renverse presque. Si vous regardez le même train à un kilomètre de distance, cela ne vous fait rien. Alors si vous voulez montrer deux hommes qui luttent ensemble, vous n'obtiendrez rien de bon en photographiant simplement cette lutte. La réalité photographiée devient la plupart du temps irréelle. La seule solution est d'entrer dans la bagarre pour la faire ressentir au public, et à ce moment-là, vous obtenez la vraie réalité. Un passage où François Truffaut lui dit « Il est très évident pour moi que beaucoup de vos films ressemblent vraiment à des rêves filmés. » C'est en effet ce qui caractérise vraiment Hitchcock. Quelqu'un qui, en réalité, fabrique des rêves cauchemars. Oui. Dans lesquels d'abord sont plongés les personnages. Et dans lesquels sont plongés les spectateurs. La démarche même de l'œuvre hitchcockienne, enfin dans chacun de ses films, c'est une démarche réellement onirique. Tout fonctionne selon la logique de l'onirisme. C'est bien pour ça que, par exemple, Hitchcock peut se payer le luxe de dire qu'il se fiche éperdument de la vraisemblance oui. de tous les jours, puisque d'emblée, il est dans la vraisemblance du nocturne. Et dans le nocturne, il est évident que les choses ne fonctionnent pas de la même façon que dans le diurne. Dans Vertigo, par exemple. début même de la poursuite sur le toit est de l'ordre du cauchemar. Le personnage reste suspendu. Oui. On ne le voit pas descendre, on ne voit pas comment il s'en est sorti. En principe, il ne peut pas s'en sortir. En effet, il ne s'en sort pas, puisque le rêve continue ensuite. Le cauchemar se transforme en rêve, et ce devient un rêve érotique, très lent, très merveilleux, etc. Jusqu'au moment où le rêve se retransforme en cauchemar, et c'est la scène où on filme ouvertement son cauchemar, et on le voit en train de tomber et de chuter. Mmh. Parce que la chute du début se termine à ce moment-là. Cauchemar, rêve, cauchemar, c'est toute la construction du film. Nous sommes dans le monde, en effet, de l'onirisme, donc de l'énigmatique. Et là où Hitchcock va un peu plus loin, c'est que non seulement il est dans le domaine du rêve, mais fondamentalement, il reprend les contes de fées. Car tout film d'Hitchcock est un conte de fées. Exactement, je voulais vous demander ça, parce que finalement son univers s'apparente à celui des contes de fées, mais lui dit qu'il n'a jamais pensé que ses films ressemblaient à des contes de fées. Alors il y a une nuance là qui... Oui, il ne peut pas ressembler à des contes de fées, puisque là encore, son souci est de jouer le réel. Et il le joue. Alors que le conte de fées ne joue pas le réel. D'emblée, on est dans le merveilleux. Donc, ou dans l'extraordinaire ou dans le fantastique. Alors que chez Hitchcock, ce qui est fondamental, c'est le passage des rives du normal vers les rives de l'anormal. Oui. Quand il parle de l'ennui, pour lui c'est normal. Alfred Hitchcock, êtes-vous un homme sensible ? Oui, très sensitif. C'est nécessaire pour... je suis sensitif pour mon travail. Spécial avec un film d'horreur, un sens d'humeur, c'est très nécessaire. Je crois qu'il était exactement dans la vie ce qu'il était dans son œuvre. Un homme qui avait réussi ce don de... d'élégance toute britannique, du savoir-vivre total, qui accordait une extrême attention à quelqu'un quand il l'avait devant lui. C'était vraiment le parfait gentleman. On raconte beaucoup que vous faites des blagues. Je crois que vous êtes un amateur de blagues. Certainement, pourquoi non ? Tout était sur le lisse. Oui. Bon, drôle, d'une extrême attention, c'est, enfin, je sais pas, c'est la perfection au point du rapport, mais en même temps, vous aviez toujours cette espèce de réserve qui faisait que vous ne pouviez pas, vous saviez que vous ne pouviez pas franchir certains points. Non, mais je crois que cela est dû. Au phénomène même du personnage Hitchcock, enfin je dirais du corps Hitchcock. Bon, c'est quand même un individu qui est... Bon, je pense qu'il a des problèmes de famille comme tout le monde, mais par surcroît, il a eu un premier problème, c'est d'être un enfant quasi anormal. Il était gros, il était petit, et déjà tout jeune, c'était déjà le petit balourd. Il avait des bras un peu courts, et c'est quelqu'un qui a toujours été honteux de son corps, angoissé de son corps. Bon, on le sait par les témoignages que quand il était tout enfant, il restait dans son coin dans la cour de l'école, ne jouait pas avec les autres, etc. Toujours d'une extrême réserve et obligé, tout jeune pour se faire respecter, de ne pas se laisser approcher. Dans le fond, vous trompez votre monde. I didn't say anything. Non. I'm not cheating the people. Non, il ne les trompe pas, il ne dit rien. This is the point. I do not say. C'est là où est toute l'astuce, il ne dit rien. I say neither. Il ne dit... I'm only speculating. Il laisse les gens penser ce qu'ils veulent. Je crois qu'il est un dandy. C'est évident. C'est évident. Tout son discours est un discours de dandy. J'entends par dandy la morale dandy, hein, la philosophie dandy, mm-hmm. Donc le mode de vie. Et sa façon même d'être, finalement, c'est quelqu'un qui, de par son corps, ne pouvait en aucun cas prétendre au dandysme, et qui pourtant, dans toute son attitude, a été un dandy. Rien ne me touche. Je ne me laisse pas toucher. N'est-ce pas, personne n'a de prise sur moi, voilà. Et ça, c'est Hitchcock. Hitchcock. Eh bien, monsieur Hitchcock, je sais que vous êtes arrivé à Paris, mais que vous n'assistez pas aux premières en général. Non. Ce n'est pas nécessaire. Et c'est ce qui vous parce a... Parce que le film et moi. Et ici, est-ce que vous allez assister à la première de Psychose que nous verrons, nous aussi, ici? Non, c'est pas possible, parce que je suis très, très nerveuse. Ça vous fait peur? Toujours la peur. Toujours peur. C'est pourquoi je fais la peur dans le film pour les autres. Voilà. Ce n'est pas... Très bien, ce n'est pas la même peur. J'ai pas la même peur parce que je n'avais pas la peur d'un auteur pour le premier d'une pièce ou le premier d'un film. Non. C'est la peur de moi, de toute ma vie. Et cette peur est dans mes films. La peur de Hitchcock. Bien. Et la peur de Hitchcock, qu'est-ce que c'est? C'est la peur de la première représentation ou c'est Non. C'est la peur de tout. La peur de police, la peur de travaux. Des ennuis. La peur de tout. Ici Alfred Hitchcock qui vous demande de ne pas en raconter trop à vos amis sous psychose. Car en sont. Vous voulez qu'ils aient aussi peur que vous. Soyez bons. Ne leur racontez rien. Bien sûr, vous avez le droit de parler de psychose et même de devenir psychosé si le cœur vous en dit. Mais je vous en prie, n'en révélez pas la fin. Nous n'en avons pas d'autre à vous proposer. François Truffaut dit qu'on trouve souvent le thème du fétichisme ou la réalité du fétichisme dans les films d'Hitchcock. Oui. Et justement, je me demande ce qu'on pourrait dire de ce fétichisme d'Alfred Hitchcock. Je me demande si justement il influe pas sur notre lien à son cinéma. Est-ce qu'on n'a pas un lien de nature un peu fétichiste parce que c'était un grand sorcier qui nous a donné des émotions, des peurs Oui, et des... mais c'est évidemment que c'était du fétichisme. Ne serait-ce que tout simplement le nom d'Hitchcock qui l'a fétichisé. Oui. On vient voir un film d'Hitchcock, on fétichise le nom d'Hitchcock, donc on fétichise le film. Et on entre dans le film fétichisé. Donc déjà prêt à subir toutes les plus douces violences. C'est ça, c'est-à-dire qu'on va voir un film comme on irait au culte. Oui, puisque vous parlez de fétichisme, avec quand même une connotation masochiste. Oui. Puisqu'on y va pour prendre du plaisir à souffrir. Est-ce que vous croyez que c'est salvateur? C'est ce qu'il semblait penser. De ce point de vue, il reprend un peu la catharsis grecque. Mm. On vient se défouler finalement sur l'écran. Oui, ça a tout à fait un rôle thérapeutique. Ah, ça sera thérapeutique, réellement. A young man goes into the confession. Un jeune homme va se confesser. Il dit à la prêtre, Father, I have murdered my mother. Il va se confesser au prêtre et lui dit, mon père, j'ai tué ma mère. Priest says, how many times, my son? Le prêtre lui demande, combien de fois, mon fils? Thank you. Ayant fait ses premières classes chez les jésuites, il n'a jamais pensé à devenir prêtre. As a child, only playing at it. Tant qu'enfant, il jouait au prêtre. They never caught me. Mais ils ne l'ont jamais attrapé au piège. Vous pensez que c'est un piège? Well, they start awfully young. Et on commence très très tôt avec les enfants. La morale aussi joue beaucoup. C'est-à-dire que il faut montrer à quel point on est ignoble en soi-même pour ensuite être racheté de cette ignominie. Enfin, le problème catholique et chrétien qui avait été très mis en valeur par les premiers exégètes, enfin, que ce soit Chabrol, Truffaut et surtout Romère, c'est vrai que le côté de la confession, le côté du rachat fait partie, en tout cas, d'une grande partie de l'œuvre d'Hitchcock. Ça commence à changer avec, justement, à partir de Vertigo, ça commence à changer. Et dans quel sens? Dans le sens où ce problème du rachat, le problème de la morale, je dirais fin de siècle, s'est estampé, puisque... il faut bien comprendre que Hitchcock travaille le spectateur. Bon. Oui. Il ne travaille un film qu'en pensant constamment et à chaque instant, se mettant chaque instant à l'intérieur du spectateur. C'est ce qu'il appelle la direction de spectateur. C'est ça, la direction de spectateur. C'est-à-dire que, en fait, le film doit être fabriqué par le spectateur. Donc, c'est ça le but d'Hitchcock. En conséquence, il est obligé de tenir compte de la mentalité moyenne collective du spectateur. Quand donc il fait ses films avant-guerre et même juste après la guerre, il est obligé de tenir compte de la morale traditionnelle qui est inspirée de la fin du siècle, le côté victorien, le côté un peu puritain, etc. Mais à partir du moment où, lorsqu'il constate dès 1950, que la société de consommation, donc la possibilité de la jouissance qui est offerte à tout le monde, oui, rentre réellement dans les mœurs, que les gens donc ressentent les choses de cette façon-là, il ne peut plus imaginer son spectateur avec la même morale rigide qu'il avait auparavant. Donc il est obligé de lui donner une morale de plus en plus élastique à ce spectateur. Oui, alors là, il y a un passage du livre qui fait tout à fait allusion à ce problème. D'ailleurs, c'est un passage où François Truffaut vous cite. Ah bah oui, c'est avec Psycho, c'est ça. C'est avec Psycho. Mm-hmm. Il dit, un critique de cinéma, Jean Douché, a dit une chose amusante. Dans la première scène de Psycho, John Kevin est torse nu, Jane Light porte un soutien-gorge, et à cause de cela, cette scène ne satisfait que la moitié du public. Donc c'est bien là un exemple de cette retenue qui est peut-être une façon de jouer avec les frustrations. Exactement, et d'exciter des appétits, justement des appétits de jouissance. Et plus l'œuvre se déroule, plus Hitchcock défoule cet appétit de jouissance, mais n'a plus à ce moment-là de possibilité ou de rempart pour rétablir la morale traditionnelle. Donc on est arrivé au désir d'excitation tel qu'à la fin, il n'y a plus possibilité de rachat. Enfin, c'est dans Les Oiseaux que c'est le plus clair. À force d'avoir, que le spectateur ait voulu voir les attaques des oiseaux, etc. À la fin du film, selon qu'il y ait la moitié des spectateurs qui désirent le salut des personnages et l'autre moitié des spectateurs qui ont envie de voir continuer comment ils vont s'en sortir, le film reste suspendu. Vous n'avez plus de solution. Le cinéma d'Hitchcock est un cinéma qui a vraiment tenu compte de la fantastique mutation morale, psychique et donc de comportement dans la vie de la société elle-même. Et de ce point de vue, son œuvre que l'on a accusée d'être une œuvre non témoin de son temps me semble être au contraire une des œuvres les plus témoins de son temps. Celle qui a en tous les cas pris totalement en compte l'arrivée de l'ère de consommation. What is it? Look. We've got to get the children out of here. Shh. All right, children, now quiet. Quiet. Miss Daniels would like to see how we conduct ourselves during the fire drill. I would like you to show her how quiet and obedient you can be. We're going out of school now. I want those of you who live nearby to go directly home. I want the rest of you to go down the hill all the way to the hotel now. Is that clear? Melanie? I want you to go as quietly as possible. Do not make a sound until I tell you to run. Then run as quickly as you can. Now, does everybody understand? All right, John, you lead the way. Légèrement prophétique parfois dans le choix de ces thèmes. Forcément. En plus, les oiseaux, de ce point de vue, il est fabuleux. C'est quand même le premier grand film écologique. Enfin, pas le premier, non. Il y avait déjà eu un premier grand film écologique, c'était Le Déjeuner sur l'herbe de Renoir. Enfin, oui. à ce point, je veux dire, celui non plus écologique dans le sens heureux du rapport heureux à la nature, mais du rapport malheureux à la nature, c'est quand même Hitchcock qui l'a fait avec les oiseaux. C'est-à-dire que les oiseaux, de ce point de vue, c'est quand même un film capital où on dit, attention à l'homme, vous êtes passé sur Terre, votre volonté de jouir égoïstement de votre existence menace votre existence. C'est la première fois qu'on disait. Demandons tout d'abord à M. Alfred Hitchcock pourquoi la plupart de ses films ont pour trame un argument policier. They always say if you have an idiosyncrasy, it is something from your childhood. So maybe it's because I was scared of policemen when a little boy that I have to get the outlet. But one important thing, always in my films, I very seldom or not very often, use gangsters or police. These type of films I am not interested. What I am interested in is the ordinary man in the street being caught up or involved in some adventure. Monsieur Hitchcock conserve encore le souvenir apparemment délicieux de ses effrois d'enfant. Il nous fait toutefois remarquer que ces films ont rarement pour héros des gangsters ou des policiers, mais des gens ordinaires aux prises avec une aventure exceptionnelle. When I'm writing these films, I very seldom, not very often, use detective writers. I use ordinary character writers, people who will write for character, for ordinary human reactions. I supply the detective element. D'ailleurs, ces films ne sont pas écrits par des spécialistes de la littérature policière, mais par des auteurs qui accordent la plus large place à la psychologie des personnages. You see, most people, a lot of people of the ordinary public, think that cinema is moving pictures, galloping horses, or motor cars chasing, and that kind of thing. That is not necessarily cinema to me. What is cinema is the combination of the expression of a man and what he sees. For example, I could take a close-up of a man and then cut to what he sees. I could use the same close-up, but with a different cut, a different meaning comes into his face. Beaucoup de gens croient que le cinéma, c'est l'image en mouvement, des chevaux au galop, des voitures se poursuivant à toute allure, etc. Pour M. Hitchcock, le cinéma est une combinaison résultant de l'expression d'un homme et de ce qu'il voit. C'est cette dernière image qui donne son sens à l'expression. J'aimerais revenir à la nature des réponses d'Hitchcock. Oui. On a l'impression qu'il aime toujours s'appuyer sur des anecdotes visuelles. En fait, c'est presque un scénario, ce livre où il se remet en scène, en situation devant les producteurs, en situation à tel moment du tournage. Et rarement il utilise des concepts, il cherche plutôt des métaphores. Oui, c'est quelqu'un, curieusement, alors que son œuvre est celle qui permet le plus de jeu intellectuel, de rapport d'abstraction, d'une extrême complexité, même sur le plan de la réflexion, a été faite par quelqu'un qui n'a été appliqué que par, le détail le plus précis. En fait, c'est quelqu'un qui concevait une forme, pressentait bien la richesse de cette forme, et ne voulait surtout pas savoir ce qu'elle pouvait signifier. La seule chose qui était importante à ses yeux, c'est que la forme fût parfaite. C'est quelqu'un qui était toujours stupéfait par les interprétations qu'on donnait de son œuvre. Et en même temps, on savait que ça l'intéressait énormément et que c'est ce qu'il voulait. Mais je répète, lui ne voulait pas savoir. Il ne voulait pas savoir parce que sinon il était perdu. En résumé, on peut dire que le rectangle de l'écran doit être chargé d'émotions. Je m'efforce toujours de chercher d'abord la façon cinématographique de raconter une histoire par la succession des plans et des morceaux de film entre eux. Voilà ce qu'on peut déplorer. Avec l'avènement du parlant, le cinéma s'est brusquement figé dans une forme théâtrale. La mobilité de la caméra ne change rien à cela. Même si la caméra se promène tout au long d'un trottoir, c'est toujours du théâtre. Le résultat, c'est la perte du style cinématographique et la perte aussi de toute fantaisie. Lorsqu'on écrit un film, il est indispensable de séparer nettement les éléments de dialogue et les éléments visuels. Et chaque fois qu'il est possible, d'accorder la préférence au visuel sur le dialogue. Quel que soit le choix final par rapport à l'action en développement, il doit être celui qui tient le plus sûrement le public en haleine. Le livre de Truffaut est précis, parce que même Truffaut aussi, quelquefois, veut tester une explication, et non, c'est pour ça que j'ai voulu faire ça, parce qu'il fallait obtenir ça, etc. Bon. Toujours la pure fabrique. Il se dérobe toujours par l'aspect technique. Oui, il se dérobe. Finalement, j'ai compris qu'il ne se dérobait pas. J'ai compris qu'il ne s'était appliqué qu'à ça. Il n'y a en revanche qu'une interprétation qu'il connaît totalement et dont il use et abuse, c'est l'explication sexuelle. Ça, il la connaît. Et je vous jure que quand on lui parlait, il en rajoutait. C'est lui, je ne sais plus s'il le dit dans le livre de Truffaut ou s'il me l'avait dit à moi, mais par exemple, que la fin même de La mort aux trousses, la pénétration du train dans le tunnel, c'était parfaitement, il savait très bien ce que ça voulait dire, etc. Enfin, je peux pas vous raconter ça à la radio, mais enfin, je sais qu'à la fin de l'entretien, au bout des 3 jours, il avait dit, bon, ben maintenant, on ferme les micros, et il avait commencé à me raconter un tas de fantasmes d'ordre sexuel, enfin, de ce point de vue, on s'apercevait que quand même, l'œuvre, là, était connue de son auteur. Et toute la symbolique était connue de son auteur. Pour moi, le content, what do you mean by content? Le contenu. Le contenu. Et c'est pas plus important. Pour moi, la manière est importante. Maintenant, dans beaucoup de films, sont les différences et avec les caractères et les manières. Qu'est-ce que c'est le mot en français pour style? Le style. Style. Pour une personne comme moi, le mot est difficile pour moi. Self-plagiarism. Le plagiat de soi-même. Le plagiat de soi-même. C'est le mot pour style. Jean Douché. Il y avait une chose moi qui me frappait, parce que quand même, qui ne le comprenne pas ou qui ne le sache pas, m'a toujours stupéfait. Même encore aujourd'hui, je me demande à quel point c'est vrai ou pas. C'est le travail sur l'ombre et la lumière. Parce que bon, ça fait partie du métier premier de cinéaste. Oui, c'est... Bon, et en plus, alors, je l'ai dit vraiment, l'ombre et la lumière n'est jamais gratuit. Quand on la regarde sur l'écran, on peut dire que quand l'ombre est là, c'est voulu, etc. Or, jamais, donc l'interprétation métaphysique, religieuse, du bien et du mal, du divin et du satanique, qui sont liés à ce genre, enfin depuis le romantisme et bien avant d'ailleurs, sont liés à ce genre d'éléments, enfin oui, d'éléments. On se dit, c'est pas possible qu'il n'y ait pas pensé. Or, il refusait totalement cette interprétation-là. Alors, je crois que là, en se limitant totalement à faire fonctionner les formes, en tant que ces formes étaient réellement l'action, étaient réellement la chose importante, il laissait parler absolument son inconscient, il le mettait en scène, finalement, son inconscient, réellement. Et à partir de ce moment-là, c'est là où il y a toute la richesse de signification. Monsieur Hitchcock, vous apparaissez toujours dans vos films, on vous voit quelques secondes dans un coin de l'image. Est-ce que vous apparaîtrez dans ce film, et si vous apparaissez, qu'est-ce que vous ferez cette fois-ci? In this film, I haven't done it yet, but I want to be a man who is being wheeled along at an airport, being wheeled in a chair by a nurse, and I'm carrying a big bag of oranges, and the bag breaks open, the oranges go all over the floor, so I get out of the chair to pick them up. Oui, j'apparais toujours dans mes films, et cette fois je n'ai pas encore tourné la scène, mais voilà ce que j'ai l'intention de faire. Une scène se passe dans un aérodrome, dans un couloir, et je suis assise dans une chaise roulante et je suis poussée par une infirmière. Et je porte dans mes bras un sac plein d'oranges. À un moment donné, le sac s'ouvre et toutes les oranges se répandent sur le sol. À ce moment, je me lève de ma chaise et je ramasse toutes les oranges sans avoir l'air d'être le moins du monde impotent. Il travaille tout le temps sur le spectateur, qu'est-ce qu'il va penser. Si je fais ça, il va penser ça. Si je fais ça, il va penser ça. Donc, en permanence, toute son œuvre, toutes ses formes sont faites pour que le spectateur... ait un certain type de réaction. Un type de réaction, mais surtout qu'il lise. De telle façon, telle forme. Donc, il est obligé d'interpréter en permanence la forme. C'est ça. L'exemple le plus célèbre étant évidemment l'ombre qui arrive derrière le rideau de douche dans Psycho. Il faut en permanence interpréter et donner Ensuite, il faut une fois qu'on a eu l'ombre, il faut bien donner un corps à cette ombre. Donc on peut jouer à partir de cette interprétation toute la fiction elle-même. C'est ça qui est. Je crois que le grand misfit avec Hitchcock a été que nous, en tant que jeunes cinéphiles passionnés, mais ayant une certaine culture et étant quand même un peu intellectuels, nous avons cru qu'Hitchcock travaillait au niveau intellectuel, alors qu'il le travaillait très intellectuellement, bien sûr, mais au niveau de la forme. Et pour tout le monde. Et pour tout le monde. Et en revanche, réellement laisser parler l'inconscient, le subconscient, et en conséquence, c'est une extrême richesse en effet intellectuel, mais pas par le dessus, mais par en dessous. On pourrait dire qu'il peut paraître superficiel, mais par profondeur, comme l'étaient les Grecs. C'est pourquoi il y a eu un tel malentendu sur lui, à tous les niveaux. Malentendu aussi bien de ceux que des gens qui ne reconnaissaient pas, que des gens qui le reconnaissaient. Les gens ne reconnaissaient pas parce que justement, ça voulait rien dire, c'était vide. Et les gens qui le reconnaissaient, ça voulait tout dire parce que c'était trop plein. Well, was on the night of the birth of Christ. C'était la nuit de Noël. De Noël. Yeah. There are three wise kings. Il y a les trois rois mages. Walking up and down, qui arpentent la chambre sans arrêt. Wondering what name to give to the newborn child. Se demandant quel nom ils vont donner à ce nouveau-né. And one of them accidentally steps on a garden rake, you know. Yes, yes. Et un tout à fait accidentellement marche sur un râteau. And the handle comes up and smacks him. Et le manche du râteau évidemment se redresse et le frappe juste entre les deux yeux. And it goes like that. And he says, "Jesus Christ." Et à ce moment, il s'écrie Jésus-Christ. The other two say, "That's it. That's what we'll call him." Et les deux ont dit, ça y est, on l'a trouvé. C'est la façon dont on va l'appeler. C'est le maître du suspense qui vous intéresse. Non, c'est le maître du suspense, c'est surtout qu'est-ce que c'est qu'un suspense pour Hitchcock et toute la richesse même du suspense. C'est vrai qu'Hitchcock n'existe pas, comment dire, pour le suspense. Son premier film de suspense, c'était The Lodger, c'est-à-dire The Lodger. Oui, c'est son premier vrai film de suspense. C'est, en réalité, moi, le suspense qui est une forme, et puis en fait, ce que veut dire le suspense chez Hitchcock, lorsqu'on le réduit à la chose essentielle, c'est-à-dire le rapport des corps entre eux. Le rapport du corps, évidemment du masculin, par rapport au corps féminin. Et inversement du corps féminin par rapport au corps masculin. Et le vrai suspense chez Hitchcock, c'est d'avoir dit une chose que peu de gens disent finalement, c'est que le désir de l'esprit n'est pas le désir du corps. Et que vous pouvez très bien désirer sentimentalement, idéalement, le corps d'une femme est inverse, mais en même temps, son corps peut vous répugner, ou inversement. Vous pouvez désirer sur le sentiment, mais quand le corps se touche, là, il peut y avoir répugnance. Je crois que les films, de ce point de vue, qui sont les plus révélateurs, ce sont les derniers films. Dans Frenzy, c'est effrayant pour ça. Où brutalement, les corps se révulsent totalement. Ou Marnie, enfin. Marnie aussi, oui, je pense. C'est très net. Dire que l'esprit veut et que le corps refuse, ça, c'est quand même. C'est là le suspense, Hitchcock. La raison profonde du suspense. Alfred Hitchcock. Je mets le public dans la même position que la victime sur l'écran. Le public a toujours aimé avoir peur. Je crois que tout commence quand l'enfant a 3 mois. Un tout petit bébé dans les bras de sa mère, et la mère fait bouh. Le pauvre enfant en attrape le hoquet, mais un instant après, il se remet de son choc. Il sourit, la mère sourit. Voilà le premier goût de peur donné à un enfant. Plus tard, il monte sur la balançoire, va de plus en plus haut, arrive presque à basculer. Il finit par donner de l'argent pour aller sur les montagnes russes, hurle quand il descend la première pente et paie pour aller dans la maison hantée. Pourquoi les gens veulent-ils payer pour avoir peur? Je ne sais pas. C'est un phénomène étrange. Le public est vraiment étrange. Il aime tremper ses doigts de pied dans l'eau glaciale de la peur. On a dit que ce qui est horrible sur un écran a une mauvaise influence, mais non. À mon avis, cela a une mauvaise influence sur les esprits malades, mais pas sur les esprits sains qui aiment ressentir une agréable petite peur. La peur de ce double aspect qui est tout le temps en lutte et il a tout le temps peur de ces doubles personnages. C'est bien pour ça tout à l'heure quand je vous parlais de son dandysme, de cette, c'est constitutif à Hitchcock, enfin, c'est constitutif à ce corps qui est le sien, qui est à la fois adoré, d'où aussi le côté obèse, le côté sucrerie, etc. Et haï. Le trait... très complexe. Une disproportion entre son corps qui est infirme d'une certaine manière et son intelligence et son désir qui sont immenses et très raffinés. Très très raffinés, d'une richesse extraordinaire, d'une extrême complexité, d'une sensualité fabuleuse. Mmh. C'est ça qui est étonnant, c'est que la sensualité est immense et qu'elle est intellectuelle ou abstraite. Alors que la sensualité corporelle est révulsive. Mmh. Donc c'est... Mais là, vous êtes vraiment chez Hitchcock là, quand vous voyez ça. Le reste, c'est en effet le faux-semblant. Le reste, c'est pour... Enfin, le suspense après n'est plus que le masque de ce vrai suspense fondamental. Nous sommes en train de parler, il y a peut-être une bombe sous cette table et notre conversation est très ordinaire. Il ne se passe rien de spécial et tout d'un coup, boum, explosion. Le public est surpris. Mais avant qu'il ne l'ait été, on lui a montré une scène absolument ordinaire, dénuée d'intérêt. Maintenant, examinons le suspense. La bombe est sous la table et le public le sait. Probablement parce qu'il a vu l'anarchiste la déposer. Le public sait que la bombe explosera à 1h et il sait qu'il est 1h moins le quart. Il y a une horloge dans le décor. La même conversation anodine devient tout à coup très intéressante parce que le public participe à la scène. Il a envie de dire aux personnages qui sont sur l'écran « Vous ne devriez pas raconter des choses si banales, il y a une bombe sous la table et elle va bientôt exploser. » C'est là, je trouve, qu'on rejoint toujours le faiseur de fétiches, le féticheur. Oui, c'est vrai. Fabrique des amulettes qui à la fois peuvent nous protéger ou nous porter absolument des forces négatives. Absolument. Mais je crois qu'il cherchait toujours à éviter le mal, en fait. Éviter une trop grande proportion du mal. Il fallait que ça reste positif, en fin de compte. Que les choses les plus dures nous rendent intelligents, que les... Ben, de toute façon, l'œuvre d'Hitchcock est faite sur l'idée de naissance, enfin, le suspense. Je ne veux pas là vous développer tout le suspense, mais. L'idée, justement, c'est toujours l'idée comment se retrancher, comment se reculer, comment éviter l'affrontement. Bon, ça, c'est la base. Avec comme mouvement profond le désir de régression. Et de revenir donc à l'état fœtal, oui. État de jouissance. C'est vrai que quand on est dans le ventre de la mer, on est logé, nourri, tranquille, on est très bien. Ce désir de régression, ce désir de retour au fœtal, et la constante de Hitchcock et tout le suspense, c'est être obligé de naître. On est obligé, alors qu'on veut ne pas naître, il faut naître. Donc il faut toujours affronter, et il y a toujours un moment où il faut aller, il faut être. Donc c'est ça un film d'Hitchcock, c'est une succession, chaque suspense c'est une naissance. C'est complètement idéal pour du cinéma, puisque voilà, on est dans une salle sombre. C'est fantastique ouais. Puisque c'est vraiment considéré le cinéma lui-même comme un immense ventre fœtal, et puis la jouissance est secrète, et puis voilà, on est, et puis en plus, l'idée de faire que le spectateur projette son propre film, donc c'est le spectateur qui est l'appareil de projection. C'est ça. Tous les autres cinéastes vous disent je filme l'extérieur et ensuite je le rentre dans une salle, alors que Hitchcock filme tout de suite l'intérieur et sur les souvenirs que le spectateur a de l'extérieur. Donc d'emblée on est à l'intérieur. Alors ici, avec Hitchcock, nous avons une conception du cinéma qui est très souvent musicale, de toute façon. Hitchcock travaille comme un chef d'orchestre, il travaille très physiquement, très sur les nerfs. François Truffaut. En sachant qu'il faut accélérer ici, qu'il faut retenir tout le temps l'attention des gens. Et il pense, je crois, dans ses scénarios, et surtout sa mise en scène après, en termes musicaux. Ici, dans L'homme qui en savait trop, nous avons un moment de cinéma privilégié, disons, un moment absolument idéal, parce que nous avons le fameux suspense hitchcockien qui va travailler à l'intérieur d'une séquence musicale. Le suspense hitchcockien, qu'est-ce que c'est ? C'est très simple, c'est simplement que nous, le spectateur, nous savons quelque chose que les personnages ignorent et qui est la cause d'une grande peur, d'une grande appréhension. C'est ça, le suspense. Donc nous savons qu'il y a un concert, il y a des spectateurs, parmi ces spectateurs un ambassadeur et un tueur qui va attendre que l'unique coup de cymbale de la partition pour tirer sur l'ambassadeur et le tuer. Mais nous savons aussi qu'une jeune femme qui est dans la salle est au courant de ce projet de meurtre et voudrait à toute force prévenir l'ambassadeur avant qu'il ne soit trop tard. Donc évidemment, nous avons le déroulement de la symphonie qui est complètement harmonieux, des plans de plus en plus rapprochés sur les musiciens, des plans sur les spectateurs qui ne se doutent de rien, sur l'ambassadeur qui ne se doute de rien, sur le tueur qui prépare méthodiquement son travail en abritant un peu son revolver derrière un rideau de velours, et sur cette femme qui ne sait pas par quel moyen prévenir l'ambassadeur. Et donc nous avons là un crescendo qui est prodigieux, et qui a quelque chose d'autant plus inéluctable que la musique est inéluctable. Elle est écrite, il y a les partitions qui sont là, rien ne change, ce n'est pas comme dans la vie où une phrase va peut-être être dite qui va changer quelque chose. Et alors nous avons la progression de cette musique, puis nous avons ce fameux coup de cymbale qui arrive, et cette femme qui a une réaction heureuse à ce moment-là, elle pousse un cri. Et parce qu'elle a poussé un cri, l'ambassadeur s'est penché pour regarder d'où venait ce cri, et parce qu'il s'est penché, il n'a pas reçu le coup de feu. Il n'a pas reçu la balle du tueur. Donc ce cri a sauvé, ce cri qui n'était pas sur la partition, la seule note qui n'était pas sur la partition a sauvé la vie de cet ambassadeur. Voilà. Donc là, nous avons quelque chose de très harmonieux, évidemment. Une splendide scène dont on peut dire que plus elle est longue, plus elle est forte. Et Hitchcock s'en donne à cœur joie parce qu'il a cette autorité pour s'installer dans une scène quand il sait que tous les éléments sont positifs. On a un extrait de François Truffaut qui parle de l'homme qui en savait trop et de ce passage des cymbales. Qui est pour moi le grand moment du suspense hitchcockien. C'est l'accomplissement même du suspense puisque c'est sur la naissance. Ouais, c'est la façon même de symboliser l'idée d'un accouchement, de ce que ressent une femme quand elle accouche. Ou la transposition idéaliste de l'idée d'accouchement quand une femme accouche, jusqu'au cri final. C'est intéressant. Ah non, je ne suis pas sûr, quand on voit comme ça, sur le côté sphérique, tout y est. Il joue toujours sur ce décalage. Toujours, tout le temps. On est toujours du dedans vers le dehors. Et c'est pour ça que les gens qui reprochaient Hitchcock ce côté invraisemblance par rapport à la vie, c'est pas d'invraisemblance, c'est de la vie qui a déjà été digérée et qui est reprojetée. C'est de la vie qui était refoulée, qui est reprojetée. Donc c'est du fantasme par rapport à une vie que l'on connaît, bien sûr, mais ce n'est pas cette vie-là qu'on filme, c'est le fantasme par rapport à cette vie. Oui, parce que sinon on fait de la réalité. Sinon on fait de la réalité, etc. La photographie comme dit Hitchcock, je ne fais pas des tranches de vie, mais des tranches de gâteau. Ouais, c'est beaucoup plus appétissant. Beaucoup plus appétissant. On est toujours dans l'univers de jouissance et l'univers de l'absorption. D'ailleurs, c'est très curieux parce que c'est un sentiment qu'on a tout au long de cette lecture. Il parle de ses films presque comme un très fin cuisinier qui comme donne gourmand, des recettes. Comme un gourmet. Ouais. Comme un gourmet. Et on a faim de voir ses films. Ouais, absolument. Hitchcock fait partie des grands imaginaires de la digestion. Avec vous, Alfred Hitchcock, on en revient toujours au plaisir de la cuisine. I believe we started to learn that when we were very young. Il croit qu'il a commencé à apprendre ça comme tout le monde quand il était très très petit. Il faut goûter un film comme une cuisine se déguste. Tout à fait. En gourmet, en amateur. Là encore, surtout le raffinement, la non-acceptation d'un crime banal et sordide, enfin. Oui. C'est le meurtre considéré comme un des beaux-arts. Il n'y a pas un crime chez Hitchcock qui ne soit pas... ne soient pas de qualité, enfin. Ce sont des beaux crimes. Ce sont des beaux crimes, mais de toute façon, il ne s'attache pas à montrer la violence, mais à la faire ressentir. Il a essayé, comme à la fin, il en avait marre de ne faire que du beau crime. À la fin, il a essayé quand même de faire que le beau crime a quand même des ennuis. C'est qu'il faut passer par la matière, quand même. Et c'est dans quel film ? À partir du Rideau déchiré. Oui. Quand on voit l'assassinat dans la cuisinière à gaz, c'est tellement, tellement difficile de tuer quelqu'un dans Frenzy, lorsqu'il étrangle. Lorsque l'assassin étrangle la femme, brutalement... là, on est obligé de passer. Là, quand on commence à passer réellement, on quitte l'esprit du crime. Et on passe vraiment à l'action de tuer. Au corps du crime, là, brutalement, le corps, là, encore une fois de plus, résiste. Et c'est vrai que le crime dans Frenzy, ou dans Topaz, ou dans Rue de Déchiré, ce sont des crimes qui deviennent maintenant assez horribles. Parce que brutalement, on s'aperçoit qu'un crime, il faut l'exécuter. L'exécution est quand même. Alors que, par exemple, dans Fenêtre sur cour, c'est fabuleux parce que on parle du couteau, le découpé. Enfin, on imagine combien c'est horrible de faire la tâche quotidienne et ménagère du criminel. Mais ça reste au niveau d'esprit, donc ça reste toujours quelque chose de très excitant sur l'esprit. Alfred Hitchcock, on dit que vous êtes le maître du suspense, et on a bien raison, on dit aussi que vous êtes monsieur meurtre, mais est-ce que vous avez pensé une fois que vous pourriez également être tué ? Never entered my head, but I would think that was rather an obvious thing. Well, the newspapers would have strange murder, Alfred Hitchcock, of all people. Et non, cette idée ne lui est jamais venue à la tête, mais il pense quelquefois que ça ferait une excellente manchette dans les journaux. Un meurtre étrange a été commis, Monsieur Hitchcock a été tué. You know, it's inevitable. Ce serait inévitable. Alors c'est comme ça que vous voudriez mourir? No, I don't think about that. Thank you. Mon meilleur MacGuffin, et par meilleur je veux dire le plus vide, le plus inexistant, le plus dérisoire, est celui de North by Northwest. C'est un film d'espionnage et la seule question posée par le scénario est « Que cherchent ces espions ?» Or, au cours de la scène sur le champ d'aviation de Chicago, l'homme de l'agence d'intelligence explique tout à Cary Grant, qui alors lui demande en parlant du personnage de James Mason « Qu'est-ce qu'il fait ?» L'autre répond « Disons que c'est un type qui fait de l'export-import. Mais qu'est-ce qu'il vend ?»« Oh, juste des secrets du gouvernement. » Vous voyez que là, nous avions réduit le MacGuffin à sa plus pure expression. Rien. François Truffaut. Rien de concret, oui. Et cela prouve évidemment que vous êtes très conscient de ce que vous faites et que vous dominez parfaitement votre travail. Ce genre de film, construit sur le MacGuffin, fait dire à certains critiques « Hitchcock n'a rien à dire » et à ce moment-là, je crois que la seule réponse serait « Un cinéaste n'a rien à dire, il a à montrer. » Alfred Hitchcock. Exact. Pour apporter un peu un contrepoint, parler d'une déclaration d'Orson Welles que vous connaissez certainement, oui. Où il dit qu'il trouve les films d'Hitchcock froids comme la glace. Je pense, dit-il, qu'ils sont d'une énorme ingéniosité, ils sont remplis de choses qui fascinent les étudiants de cinéma, pleins de tours magiques, de suspense. Mais je ne crois en aucun des personnages qu'on voit dans les films d'Hitchcock. J'admirais beaucoup ses films de jeunesse en Angleterre, J'ai aimé l'homme qui en savait trop, Les 39 marches, Une femme disparaît. Mais il dit par ailleurs qu'il déteste les films avec Cary Grant, il trouve ça tout à fait ennuyeux. Il dit encore, Hitchcock manquait de passion, c'était un sorcier bien sûr, un sorcier énormément doué, mais je n'aime pas ses films, je ne les admire pas non plus. Je sais que pour tout le monde il est un dieu, mais je ne crois pas qu'il sera encore un dieu dans 25 ans, je crois qu'il aura disparu. Il disait ça en 1982, après la mort d'Hitchcock. C'est quand il est venu à Paris. Oui, c'est une oraison funèbre un peu... Bon. Glaçante. Welles est malvenu d'attaquer Hitchcock. Pour une raison fort simple. C'est que Welles est un génie. Hitchcock est un talent. Welles est un génie qui a prouvé sur la distance... Il n'avait pas assez de talent. Hitchcock est un talent qui a prouvé sa distance qu'il avait du génie. Ah oui. Welles ne peut pas accepter Hitchcock. Pas possible. Pas possible. C'est dire ou avouer ouvertement son propre échec. Bon. Pourquoi un film aussi admirable que La soif du mal, qui est un immense film de suspense, ne marche pas et n'intéresse pas le spectateur. Oui. Le vrai problème, c'est que la froideur est chez Welles, elle n'est pas chez Hitchcock. Bonsoir. Bonsoir. Comment va votre jambe ? J'en souffre encore un peu. Et votre cœur ? Pas très actif. Quelque chose vous tracasse ? Qui êtes-vous ? Je ne vais rien vous cacher. Lisa ? Carole ? Frémont ? Seriez-vous cette Lisa Frémont qui ne porte jamais une robe deux fois ? Et puis en plus, il y a un autre problème. Curieux d'ailleurs. C'est que Welles, qui a été moderne, il a fait un cinéma, disons, une certaine révolution cinématographique moderne. Bon. En même temps, il est quelqu'un qui reste très attaché dans beaucoup de domaines au XIXe siècle. Et en particulier, c'est une chose fondamentale sur la notion du caractère par rapport aux œuvres d'Hitchcock. Dans le terme anglais, vous savez que en France, on dit un personnage. Bon. Oui. Ils disent caractère. C'est-à-dire, caractère. Et c'est beaucoup plus intéressant de dire caractère parce que ça précise bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'un personnage n'existe dans une œuvre romanesque ou dramatique que s'il a du caractère. Mm. Bon, sans que un personnage de Dickens ou alors bon, un personnage de Shakespeare ont du caractère. Or, Wells, Shakespearean par excellence, il faut du caractère. Tout le problème de Hitchcock, qui a préoccupé profondément Hitchcock lui-même. Parce que quand même, c'est aussi quelqu'un qui vient du 19e siècle et que dans toute la culture, c'est de ne pas pouvoir faire de personnage ou de caractère. Toute la forme même de construction hitchcockienne détruit le caractère, détruit le personnage. Puisque le personnage n'est qu'un reflet, un porteur, à la fois, tout personnage principal d'Hitchcock n'est que le reflet du spectateur, oui. N'est que son double. Chaque personnage sur l'écran est un double du héros et des doubles de doubles de doubles. Mm-hmm. Donc, vous n'avez que des... Des supports. Des supports. Obligatoirement, les personnages ne sont que le support de tout ce qui est la projection de l'inconscient et du subconscient et des fantasmes. Et je crois que de ce point de vue, Hitchcock a été le cinéaste le plus moderne d'aujourd'hui. C'est-à-dire que je crois que, enfin, je ne vais pas me tromper, mais le 21e siècle va peut-être ne plus tenir compte du caractère du personnage. Parce que le caractère du personnage, c'était quand même des notions humanistes avec cette qui présupposait la croyance en une éternité. Quand vous disiez les caractères de la Bruyère, c'est d'éternité comme cela que tous les hommes sont. Bon. Le XXe siècle commence à prendre en considération la relativité et qu'en fin de compte, on est fonction d'eux. Et Hitchcock, en faisant des caractères qui ne sont plus des caractères des personnages, mais qui sont que des supports, finalement montre que même nous-mêmes, individus, nous ne sommes pas des identités entières, mais des identités en train de se faire et en train de se chercher, et qui ne sont quand même que des projections et qui essayons de nous définir par rapport aux projections que l'on a de nous. En allant au bout de son cinéma, il prend vraiment position vers une autre forme de pensée qui est celle de la pensée contemporaine. Alfred Hitchcock. Prendre le scénario de quelqu'un et le photographier à ma manière ne me suffit pas. Je suis obligé de faire le sujet moi-même pour le meilleur et pour le pire. Cependant, je dois faire très attention de ne pas me trouver à court d'idées, car je suis comme tout artiste qui peint ou écrit, je suis limité à un certain domaine. Je ne veux pas me comparer à lui, mais le vieux Rouault s'est contenté de peindre des clowns, quelques femmes, le Christ sur la croix, et cela a constitué toute l'œuvre de sa vie. Cézanne s'est contenté de quelques natures mortes et de quelques scènes de forêt. Mais comment un cinéaste peut-il continuer à peindre le même tableau ? Donc si je comprends bien, les personnages d'Hitchcock ne sont pas des personnages auxquels on peut s'identifier, mais des personnages qui permettent de se révéler à soi-même. C'est ça, ce sont des personnages de projection, de pure projection, c'est d'identification, mais dans le sens justement de fétichisme. C'est-à-dire que on est entraîné par, mais par, parce qu'en fait on est entraîné par son propre double. C'est le jeu du dédoublement absolu. Ça me fait penser à un très vieux mythe, au mythe de la caverne de Platon, la projection des ombres. Et c'est bien pour ça que vous retrouvez tout le caractère magique, le caractère des ombres, etc. C'est exact. C'est bien pour ça que quand je parlais des ombres chez Hitchcock, ça a une telle importance. Une ombre n'apparaît pas chez Hitchcock comme ça gratuitement. C'est vraiment l'ombre. Et en plus, l'ombre chez Hitchcock, en tout cas jusqu'à Vertigo, arrive la première. C'est-à-dire que le double arrive avant le héros. Et le héros, comme il est notre double, c'est-à-dire que nous avons déjà un deuxième dédoublement sur l'écran par rapport à nous. C'est-à-dire que est projeté sur l'écran notre désir profond de venir au spectacle. C'est-à-dire le crime. dit Alfred Hitchcock que vous pourriez tourner un film pour enfants, je ne sais pas moi, Cendrillon par exemple. Beaucoup de mes films est fait pour les enfants, parce que qu'est-ce que c'est la différence entre ces causes et les histoires de Grimm, terrible, parce que dans le film, est-ce que Hansel et Gretel, les deux enfants, mettaient la vieille dame dans une fure? Qu'est-ce que c'est la différence? La seule chose qu'il voudrait dire, c'est que si vous désirez battre votre ennemi ou frapper votre ennemi, don't hit him too hard. Ne le frappez pas trop fort. C'est Mardi du cinéma, Un printemps pour Hitchcock, de Laurence Drumont, réalisé par Claude Giovannetti, ont été diffusés pour la première fois sur France Culture le 26 février 1985. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les nuits de France Culture.